Examen 3. Compréhension de l'oral. Exercice 4. Situation 1. Bonjour madame, je voudrais envoyer ce paquet par chronopost, s'il vous plaît.